الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc avant de commencer, il y a quelques petites corrections que je veux faire par rapport à la dernière fois. J'avais dit que Jama'at al-Tabligh s'était fondée en 1827. Alors que c'est en 1927 que ça a été établi, la Jama'at. J'avais dit aussi au sujet d'Abu Hanifa que son nom c'était Al-Nu'man ibn Bashir, Al-Nu'man ibn Bashir, mais son nom c'est Al-Nu'man ibn Thabit. Donc je me suis trompé là-dessus. Donc ça c'était les quelques points là que j'avais à corriger. Et puis on va commencer tout de suite, inshallah, dans le là où on était arrivé. قال تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا فتواعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل على أن اتباع سبيلهم أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال وأثنى الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى من اتبعهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Donc le cheikh il explique, il dit qu'il mentionne le verset du Coran dans lequel Allah SWT dit celui qui fait une scission avec le messager d'Allah et après que la vérité lui a été clarifiée ou la guidance lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des mu'minin, c'est-à-dire les sahaba, nous allons le laisser se détourner comme il s'est détourné et le brûler dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc le cheikh il dit que Allah SWT a menacé ceux qui ne suivent pas la voie des croyants ou qui suivent autre que la voie des croyants de l'enfer, et donc ça prouve que de suivre autre que leur voie, une voie autre que la leur, dans la compréhension de la loi d'Allah, yani c'est un égarement et que c'est une contradiction. Et aussi, ça prouve que c'est obligatoire de suivre leur compréhension dans la charia d'Allah. Et Allah SWT a glorifié les premiers croyants parmi les muhajirines et les anfars, et il a dit qu'il est satisfait d'eux dans le verset, et les tout premiers qui ont précédé parmi les muhajirines et les anfars et ceux qui les ont suivis en bien, que Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour qu'ils demeurent là-bas éternellement. Hein? Donc ça veut dire que si Allah est satisfait d'eux, ça veut dire que en les suivant, on est certain, inshallah, que Allah sera satisfait de nous. Tandis que suivre autre que eux, Et bien là encore, on n'est pas certain que Allah est satisfait d'autres que eux. C'est-à-dire, d'autres sont venus après eux. S'ils n'ont pas suivi leur voie, on ne peut pas être certain d'être sur la voie de ceux qu'Allah a été, dans ceux dont Allah a été satisfait. Et le cheikh il continue, il dit « وَبَيَّنَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ قَرْنُهُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنُهُ donc « أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ قَرْنِهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين وحذر من مخالفتهم فقال وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Donc ça c'est encore des hadiths que le prophète dans lesquels le prophète صلى الله عليه وسلم explique que la meilleure des générations, c'est la sienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc ça, ça veut dire que ça, c'est les meilleurs parmi les générations dans l'islam. Et c'est sur ces trois générations-là qu'on doit se baser dans la compréhension des bases de l'islam. Ensuite, alaykoum salam wa rahmatullah. Ensuite, le cheikh il a mentionné un autre verset, celui de Arbad ibn Sariya, dans lequel il dit et je vous conseille ou je vous ordonne de suivre ma sunna et la sunna de mes khulafa ar-rashidin, c'est-à-dire des successeurs, de mes successeurs bien guidés qui viendront après moi. Et accrochez-vous à ça et mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde aux innovations et aux choses nouvelles dans la religion, parce que toute nouvelle chose dans la religion est une bid'a. Une innovation, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et toute bid'a est un égarement. Wa wasafa sallallahu alayhi wa sallam al-firqat al-najiya bi qawlihi ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le groupe qui sera sauvé de l'enfer en les décrivant en disant c'est ceux qui sont sur ce que moi-même j'ai suivi aujourd'hui ainsi que mes sahaba. Donc si tu suis ça, tu seras dans le groupe sauvé. فدلت هذه النصوص على وغيرها على وجوب اتباع الكتاب والسنة ووجوب اتباع سبيل المؤمنين. Donc tous ces textes du Coran et de la Sunna prouvent l'obligation de suivre le Coran et la Sunna et de suivre la voie des mu'minin. وأولى المؤمنين الذين يجب اتباع سبيلهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم قول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Ibn Qayyim a dit chacun des sahaba, chaque sahabi il se repart à Allah. Et donc Allah dit dans le Coran وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, et suit la voie de ceux qui se sont retournés vers moi en repentance. Et chacun des sahabi, comme Ibn Qayyim dit, chaque sahabi est un repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est obligatoire de suivre son chemin, ses paroles et sa croyance. Après il dit, وَيَقُولْ إِبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ. L'imam ibn le sahabi ibn Mas'ud رضي الله عنه dit, suivez et n'innovez pas, ne faites pas de bid'a, parce que vous avez ce qui suffit. فَقَدْ كُفِيتُمْ. Ce que vous avez du Coran et de la Sunna et de la voix des Sahaba, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'amener des choses nouvelles, des nouvelles inventions pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou pour vous rapprocher d'Allah ou pour comprendre sa religion. يقول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة في أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وكل بدعة ضلالة. هذا le cours qu'on donne le lundi, et ça c'est la parole de l'imam Ahmed qui dit les fondements de la sunna pour Ahl al-Sunnah al-Jama'a, pour Salafiyoun, Ahl al-Hadith, c'est de s'accrocher à ce que suivaient les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prendre leur de les prendre comme modèle et de laisser tomber les bid'ah. Ensuite, le cheikh il dit فالواجب على كل مسلم هو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ورغبة مني في المشاركة في الدروس التي تلقى في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بقسم النشاط فقد ألقيت ولله الحمد أو والحمد لله عدة دروس تتعلق بالمنهج الصحيح المنهج السلف منهج السلف الصالح ومن تبعهم على منهاجهم وقد رغب مني بعض الإخوة أن أتبع هذه الدروس فراجعتها وأضفت إليها بعض الإضافات المتعلقة بالموضوع ورأيت بالمناسب تسميتها كن سلفيا على الجادة وقد تضمنت الأمور التالية. دونك لشيخ الزي que l'obligation c'est de suivre pour chaque musulman c'est obligatoire de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih et il dit et j'ai voulu moi participer dans les cours qui sont donnés à la faculté de Sharia à l'université islamique de Médine et j'ai donné des durus en ce qui concerne le manhaj le manhaj qui est le vrai manhaj, c'est-à-dire le manhaj du salaf. Et j'ai voulu expliquer ça et yani, expliquer que être salafi, ça veut dire suivre la religion de l'islam comme elle était suivie par les sahaba et ceux qui les ont suivis. Et donc il y a des frères qui m'ont demandé de faire publier ces cours et donc il dit que je les ai révisés et j'ai rajouté certains points et j'ai corrigé ou j'ai arrangé certaines choses dans le sujet, j'ai rajouté certains sujets qui s'y rattachent, et il dit j'ai donné le titre à ce livre « Kun salafiyan ala al-jadda » et ça inclut les points suivants. Donc là on va mentionner les points, mais avant de mentionner les points, il y a quelques notes de bas de page que je voudrais mentionner, c'est qu'il dit que « قال الشيخ الدكتور العلامة » صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله المنهج أعم من العقيدة والمنهج يكون في العقيدة والسلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى منهجا أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما وهذا هو العقيدة. Donc ça c'est rapporté dans Al-Ajuba Al-Mufida, la page 75. Le Cheikh Al-Fawzan, celui dont on suit le livre, on explique le livre le dimanche, il a dit dans un de ses livres que le manhaj, quand on dit le mot manhaj, qui est traduit souvent comme par le mot méthodologie en français, eh bien c'est plus large, c'est plus général que le mot aqida, que le mot le dogme ou la croyance. Parce que le manhaj, ça a rapport pas seulement avec l'aqida, mais c'est aussi ça a rapport avec as-suluk, le comportement, et l'akhlaq, les habitudes, et les mu'amalat, et les interactions dans la vie de chaque musulman. Mu'amalat, c'est-à-dire les interactions, la façon dont tu agis envers les autres. Mu'amalat, ça inclut, comme par exemple le mariage, le divorce, le commerce, tous ces autres aspects-là de la vie. Hein. C'est les choses qui, le comportement envers les autres et tout ça, ça rapporte avec mu'amalat. Parce que, pardon? Oui, les relations sociales. Mu'amalat. C'est le pluriel de mu'amalat. Mu'amalat, mu'amalat. C'est ça. Donc ça c'est ça, puis après le chef il dit que toute voie sur laquelle tu, toute voie que tu suis, que le musulman suit, s'appelle un manhaj. C'est ça que ça veut dire, même dans la langue arabe, al-manhaj ou al-manhaj, c'est un chemin, une voie. C'est ce que ça veut dire. Et comme vous pouvez remarquer, subhanallah, dans l'islam, c'est toujours, tous les noms ou toutes les choses qu'on doit suivre, ça a toujours un rapport avec un chemin ou une voie, comme sharia. Sharia, c'est un cours d'eau, bien une voie qu'on suit. Al-tariq, c'est un chemin. Manhaj, c'est une voie. Sunna, c'est un chemin aussi. Donc, c'est toujours rapport avec quelque chose qu'on doit suivre, quelque chose qu'on doit marcher, une voie droite qu'on doit suivre. Sirat, un chemin. Hein? Donc, c'est toujours relié à ce sens-là. Puis le cheikh, il dit que, en ce qui concerne l'aqida, ça a rapport avec les fondements de la foi et la signification de du shahadatain, c'est-à-dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah et toutes leurs implications. Et ça, c'est l'aqida. Donc ça, c'est une note explicative que le cheikh avait marqué. Puis une autre note, il a dit que ce nom-là, ce titre-là qu'il a donné à son livre, ça a été pris de ce que le cheikh Dr. Bakr Abou Zayd a dit dans son livre, cité dans son livre Hilyatu Talib al-Ilm. Donc, durant son livre, il avait dit dans une certaine, à la page 8, il avait dit Kun salafiyan ala al-jadda, tariq al-salaf al-salih, min al-sahabati radiyallahu anhum, faman ba'dahum, mimman قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام وصد عن الشر. Donc l'imam ou le sheikh Bakr Abou Zayd avait cité dans son livre soit salafi sur le chemin, la voie des salaf al-salih, parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis après eux, et qui ont suivi leur trace. Hein. C'est comme si on voit le chemin d'Allah, le chemin qu'on doit suivre, et puis ceux qui ont suivi ce chemin-là avant nous, ont laissé des traces. Alors, il nous dit, suivez leurs traces. Hein. Subhanallah. Attends. Donc, suivez leurs traces. Et, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, suivez leurs traces dans tous les chapitres de la religion. Que ce soit le tawhid, les adorations, ou toute autre chose de ce genre. Et, en se distinguant dans cela, par le fait de suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'utiliser la sunna et de l'appliquer en nous-mêmes et de laisser tomber les disputes, les argumentations, le fait de discuter pour se faire montrer son savoir et tu rentres dans des sortes de débats ou d'argumentations avec des gens juste pour leur montrer que t'as une bonne connaissance. Al-khawd fi ilm al-kalam, c'est-à-dire de patauger dans la science du kalam, c'est-à-dire ceux qui commencent à utiliser la philosophie. Et le kalam, c'est comme une sorte de méthode philosophique que certains gens de bid'a ont inventé dans l'islam pour parler à propos d'Allah, de ses attributs, de ses noms. Donc ça, c'est une voie d'égarement. Et c'est pour ça que tous les salafs ont prévenu contre l'utilisation de ces méthodes. Et donc, il dit d'éviter de s'éloigner de cette attitude-là et de tout ce qui amène les péchés et qui bloque la voie vers la charia. Donc, le chef, il mentionne par la suite les points qu'il va traiter dans ce livre. Donc, je vais vous les mentionner, il y en a 16. Le premier, c'est « Al-Maqsoud bis-Sunnah ». De quoi on veut parler quand on dit le mot sunna? Le deuxième, al-musammayat al-shar'iyya li ahli sunna wal-jama'a. Ce sont quoi les noms légaux ou légales, les appellations légales de Ahl al-Sunna wal-Jama'a, comment on peut les appeler, les noms qui sont acceptables pour les décrire. Troisièmement, al-Maqsoud bis-Salaf, de qui on, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme Salaf. Quatrièmement, wujubu izhar mazhab al-Salaf, l'obligation d'exprimer ou de montrer qu'on est sur la voie des Salaf. Cinquièmement, jawazu l'intisab ila al-Salaf wa al-talaqqub bis-Salafiyya, la permission ou le fait que c'est permis d'appartenir ou d'avoir une appartenance en ce qui concerne les Salaf et de s'appeler par al-Salafiyya ou de se donner le laqab al-Salafiyya, l'étiquette de al-Salafiyya ou le titre de Salafi, d'être Salafi. C'est permis de dire je suis Salafi. Manhaj al-Salaf, c'est l'aqida. C'est quoi le manhaj du Salaf en ce qui concerne l'aqida? Septièmement, أهم مميزات المنهج السلفي, les plus importantes très caractéristiques du manhaj salafi. Huitièmement, manhaj أهل البدع والأهواء, c'est quoi la méthodologie des gens de bid'a et des passions, parce qu'on appelle toujours, quand on parle des gens de bid'a, on parle toujours, on les décrit aussi comme étant أهل الأهواء, on parle d'eux comme étant أهل البدع et on parle de ceux comme étant أهل الأهواء, parce que la base des bid'a, c'est qu'ils suivent leurs passions. Ahwa, c'est les passions. C'est le pluriel de hawa. Pas hawa. Hawa, c'est le vent. Puis, hawa, c'est les passions, les déserts du cœur. Hein? Faqad qila al-hawa yu'ni akhahu. Oui, mais c'est ça, parce que ça, les chanteurs et tout ça, ils utilisent ça parce que, ouais, parce que eux, ils suivent leur hawa. Ouais. Et il y a des ulama parmi les salafs qui ont écrit des livres. Par exemple, Dhammul Hawa, Ibn al-Jawzi, il a écrit un livre, la critique ou le blâme de la passion. Le blâme de la passion. Et puis, il y a Ibn al-Qayyim al-Jawzi qui a parlé de ça aussi. Et Ibn Taymiyyah et tout ça. Et comment, et combien il y a de versets, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et combien il y a de nombreux versets dans le Coran qui blâment, wa alaykum salam, qui blâment ou qui critiquent al-hawa. Fala tattabi' al-hawa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans plusieurs versets, ne suis pas la passion, parce qu'elle va t'égarer, yani, du droit chemin. Hein, fa illam yastajibu, fa'alam, أنما يتبعون أهواءهم بغير علم. Et en parlant des gens du livre, et s'ils ne te répondent pas ou s'ils n'acceptent pas ce que tu leur dis, alors sache que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Hein? Donc, voilà, تتبع أهواءهم, ils ne suivent pas leur passion. Dans beaucoup de versets, Allah répète toujours ça, yani, ils ne suivent pas leur passion. Donc, c'est très important de faire attention, yani, à ce sujet-là. Le neuvième point, طريق الإخلاص ou طريق الخلاص, وهو بالاتباع وترك الابتداع. La voie du salut ou d'être épargné de l'égarement, et ça c'est en suivant et en abandonnant les innovations. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le dixième point, أهم علامات أهل الزيغ, les plus importants signes des gens de la déviation, ou les plus importants caractéristiques des gens de la déviation. Onzièmement, بعض القواعد في المنهج السلفي, certains principes ou certains fondements ou règles fondamentales en ce qui concerne le manhaj salafi. A, قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, un principe ou une règle fondamentale au sujet de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Comment on doit le faire et tout ça. B, قاعدة في العبادات, une règle en ce qui concerne l'ibadat. C, قاعدة في أن مدار الدين في العلم النافع والعمل الصالح. Un autre principe en ce qui concerne le fait que le centre de la religion, ou que tout dans la religion, tout tourne autour de d'une connaissance bénéfique et d'une bonne action. C'est ça le centre de la religion. B. قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. C'est un autre principe aussi dans la religion islamique qui dit que d'éloigner des mauvais, le mal, d'éloigner le mal passe avant amener un bien. Il a précédence sur le fait d'amener un profit ou un bien. Donc, si quelque chose va nuire, c'est plus important de l'éloigner ou de l'enlever que de faire venir un profit. S'il y a un conflit, puis ça, il va l'expliquer. قاعدة أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وهما وجود الشروط وانتفاء الموانع. Il dit que les règles de la charia, que ce soit dans les choses fondamentales ou dans les autres choses, c'est qu'elles ne peuvent pas être établies excepté après deux conditions. Et c'est que وجود الشروط il faut qu'il y ait les conditions pour que les choses soient complétées ou complètes, il faut qu'elles respectent toutes les conditions et il ne faut pas qu'il n'y ait aucune chose qui vienne pour l'empêcher. Et ça, on va le comprendre mieux lorsqu'on va le lire, inshallah. Le douzième point, موقف السلف من المبتدع الحذر والتحذير, la position des salafs vis-à-vis des gens de bid'a. Et il dit, c'est l'avertissement et la précaution et l'avertissement. Faire attention et d'avertir contre eux. Treizièmement, ar-raddu 'ala al-mukhalif, la réfutation des opposants ou de ceux qui sont divergents ou qui s'opposent au manhaj. Quatorzièmement, al-abwab allati yajuzu fiha al-ghayba wal-jarh 'inda ulama' al-islam, les chapitres ou les points sur lesquels il est permis, ou les causes dans lesquelles il est permis pour quelqu'un de parler dans son dos et de dire ses problèmes ou ses défauts selon les ulama. C'est-à-dire quand est-ce que c'est permis de faire ça? En général, on sait que dans l'islam, c'est toujours interdit de parler dans le dos de quelqu'un, sauf que le cheikh va nous expliquer que les ulama ont expliqué qu'il y a dans certains cas où c'est obligatoire de le faire. Pas seulement permis, mais obligatoire. Quinzièmement, shurut jawaz al-ghayba, ou shurut jawaz ghaybat al-mubtadi'. Les conditions qui rendent permis, ou qui font que c'est permis de parler dans le dos d'un innovateur, le mubtadi'. Et seizièmement, uqubatu man wala al-mubtadi'a, le châtiment de celui qui prend pour allié ou qui s'associe aux gens de bid'a. Donc le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, as'al Allah ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi al-amal wal 'amal fi al-'amal wal qawl wal qawl wal 'amal, wa an yuwaffiqana wal muslimina lil 'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih, wa an yanfa' bima katab. وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc il dit, je demande à Allah qu'il nous donne l'ikhlas, la sincérité dans nos paroles et dans nos actions, et qu'il nous donne le succès d'arriver à qu'il nous donne le succès et qu'il nous donne aux musulmans la connaissance bénéfique et les bonnes actions, et qu'il rende bénéfique ce que j'ai écrit. Et paix et salut sur son serviteur et messager notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux-là. Le cheikh dit, al-faqir ila afi rabbih, Abdel Salam ibn Salim al-Suhaymi al-Madina, l'année 1423, Safar. Le mois de Safar. Donc, on est en 1926. Donc, c'est ça. Ou 27. Donc, ça fait 3 ans ou 4 ans. Oui, c'est ça. Donc, on commence, Inch'Allah. Bismillah, Alhamdulillah. Le Cheikh dit, Al-Maqsoud bis Sunnah. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot Sunnah? لما كان من المعروف أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون فيحسن التعريف بالسنة في اللغة وفي الاصطلاح ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة وذكر سبب ذلك. Donc étant donné que c'est bien connu que parmi les appellations de أهل السنة والجماعة السلفيون il y a le terme as-salafiyoun, on les appelle aussi salafiyoun. Donc, il serait bien de commencer par définir qu'est-ce que signifie le mot sunna dans la langue arabe et aussi dans le contexte islamique. Puis ensuite, après avoir compris ça, de passer aux autres appellations de Ahlus Sunnah wal Jama'a et d'expliquer les causes de ça. Donc, le cheikh dit fas-sunnatu fil lugha hiya at-tariqa was-sira. Ça c'est tiré de Al-Nihaya, l'Ibn al-Athir ou Al-Lisan al-Arab, deux dictionnaires arabes très connus de la langue arabe classique. Donc, pardon? Ouais, mais ça c'est des dictionnaires vraiment plus anciens. Al-Nihaya, l'Ibn al-Athir, il traduit les termes uniquement des hadiths. Je pense que tous les mots difficiles qu'on retrouve dans les hadiths ou des choses comme ça. Ouais. Puis Lisan al-Arab, c'est un livre vraiment, c'est comme une encyclopédie linguistique là. C'est écrit dans le style des anciens. Donc c'est-à-dire, c'est pas les dictionnaires modernes arabes, c'est les dictionnaires traditionnels arabes anciens. Non. Souvent ça arrivait, et puis aussi le fait que c'est parce que l'arabe actuel, elle a changé beaucoup par rapport à l'arabe du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a beaucoup de mots, même si tu cherches ces mots-là dans les dictionnaires actuels, tu ne pourras pas trouver leur définition. Parce que ils ne sont plus utilisés aujourd'hui, et puis même s'ils seraient utilisés, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même signification qu'ils avaient avant. Ils ne sont pas utilisés dans le même contexte. Donc c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on parle de la langue arabe classique, ou du Coran ou de la Sunna, de retourner à ces dictionnaires-là ou à ces livres-là, et non pas aux dictionnaires actuels ou modernes. Et puis, juste en passant, une petite note là, c'est que même dans le domaine de l'aqida aussi, des fois ça peut créer des malentendus parfois, parce que les dictionnaires qui ont été écrits après les trois premières générations, souvent ont été écrits, des fois s'il y en a qui ont été, certains des auteurs de ces dictionnaires-là, ils ont été influencés par certaines idées des Mu'tazila et des Asha'ira. Donc quand ils ont donné la définition de certains mots, ils ont été influencés par leur manhaj de bid'a. Donc ils ont interprété certains mots comme par exemple al-istiwa, situé dans certains dictionnaires, ils ont traduit comme ça, en disant que ça veut dire Estaula ou quelque chose de ce genre. Sauf que ça, c'est des dictionnaires qui ont été écrits bien après. Et quand tu retournes aux savants de la langue arabe du temps des Salaf avant, il n'y en a aucun qui dit ça. Donc c'est encore là une innovation, il y en a dans le domaine de la langue arabe. Donc le chef dit As-Sunnah al-Lugha, qui est Tariqa ou Sira. La sunna dans la langue, c'est la voie, le chemin et la voie. وقد اختلف علماء اللغة هل السنة مقصورة في اللغة على الطريقة الحسنة أو أنها تشمل الحسنة والقبيحة والصحيح أن المراد بها في اللغة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة. Donc, il dit que parmi les gens de la langue arabe, les savants de la langue arabe, il y en a qui ont eu des divergences en ce qui concerne la sunna. Est-ce que dans la langue arabe, le mot sunna se limite uniquement à une chose qui est bonne ou une voie qui est bonne, ou bien elle peut aussi impliquer une voie qui est bonne ou mauvaise? Et le cheikh, il dit que la position correcte en ce qui concerne ce point-là dans la langue, c'est que linguistiquement, le mot sunnah, ou la tariqa, la voie, elle peut être pour une voie qui est bonne ou mauvaise, ou une action qui est bonne ou mauvaise. Il dit, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا رواه مسلم حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة. Donc, le cheikh il dit que la preuve qu'on peut dire que dans la langue arabe une voie peut être bonne ou mauvaise, c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit, celui qui dans l'islam fait une bonne action, il aura sa récompense, et la récompense de celui qui le suit en le faisant, et celui qui fait une mauvaise action, il aura la punition ou le poids de cette mauvaise action, et le poids de celui qui le suit dans cette action-là. Et ça a été rapporté par Muslim, et il dit que, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé cette sunnah, la sunnah en une bonne sunnah ou une mauvaise sunnah, donc on peut dire que cette division-là, de dire que dans la langue il y a une bonne et une mauvaise sunnah, donc c'est permis de le dire linguistiquement. Et donc c'est très, une note en passant, c'est que c'est très important de comprendre ici et de tenir compte du fait que la division de la sunna en bonne et mauvaise, c'est uniquement sur le plan linguistique. En ce qui concerne le plan islamique, il n'y a pas une bonne sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une mauvaise sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire toutes les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les choses qu'il nous a enseignées, elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas de mauvaises choses qu'il nous a enseignées. Mais quand il a dit « Man sunna fi l'islam, sunnatan hasana ou sunnatan sayya » dans ce hadith-là, il parle du mot « sunna » au sens linguistique, dans la langue arabe, et non le « sunna » dans le sens de la religion, c'est-à-dire « fa'alaykum bi sunnati » je vous conseille je vous demande de suivre ma sunna. Donc là, c'est deux contextes différents. C'est pour ça, comme on l'avait expliqué lundi, qu'on ne peut pas dire que c'est une preuve pour dire qu'il y a des bid'a hasana et bid'a sayya. Non. Le cheikh dit, أما تعريف السنة في الاصطلاح فلها اصطلاح عند المحدثين كما أن لها اصطلاحا عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء ففي اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها. Donc le cheikh il dit que le mot sunna dans l'islam, il a différentes significations selon le domaine ou la discipline islamique dont on parle. Donc si on parle de le cheikh dit elle a une signification pour les muhaddithin, c'est-à-dire les savants spécialisés dans le hadith, et elle a une signification aussi pour les usuliyin, c'est-à-dire les ulama qui sont spécialisés dans qu'est-ce qu'on appelle usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements du fiqh, pour comprendre comment extraire un verset des textes islamiques. Usul, c'est les fondements, et al-fiqh, fiqh, c'est-à-dire la compréhension. Mais dans le contexte islamique aussi, on dit des fois en français jurisprudence, sauf que ça ne s'applique pas réellement, puisque jurisprudence, c'est chez les kuffars, c'est des exemples de cas qui sont arrivés, je pense, qui se basent là-dessus pour juger par des exemples de jugements qu'ils ont donnés dans le passé. Alors que là, on parle de fiqh, en se basant sur la révélation d'Allah et les paroles de son prophète. Donc, c'est pas réellement comparable, mais parfois les gens utilisent ce terme-là pour essayer de rapprocher les deux, pour donner une idée de ce que ça signifie. Et donc, en réalité, ça n'a aucun lien entre les deux, puisque un vient des êtres humains, puis l'autre vient d'Allah, de la révélation. Donc ça c'est qu'il y a une définition selon les usuliyyin, et il y a aussi une définition selon les fuqaha, les savants du fiqh. L'application de l'islam, l'application des hadiths et du Coran et de la Sunna dans les actes de tous les jours, dans l'adoration, dans le mariage, dans le divorce, dans le commerce et toutes ces choses-là. Tout ça, on les retrouve dans le domaine du fiqh, et c'est l'application des textes. Donc, pour chacun de ces domaines-là, il y a une définition. Premièrement, la définition chez les muhaddithins. Qu'est-ce que ça signifie pour les savants de hadith? Voici ce que ça signifie. Tout ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une parole, une action ou une approbation. Ça veut dire approbation, quelque chose qui s'est produit devant lui, on va dire, et qu'il est resté silencieux. Il n'a pas critiqué la chose ou blâmé la chose, et il n'a pas non plus approuvé. C'est-à-dire, il n'a pas critiqué la chose, il est resté silencieux. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a approuvé. Ouais. Parce que si quelque chose arrive devant lui, en sa présence, et que cette chose-là n'est pas bonne, il doit le dire. Il le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le voit dans beaucoup de hadiths, où quelque chose se produit et il dit quelque chose. S'il ne dit pas quelque chose, les sahaba disent par exemple, et on a vu que son visage a changé, ou son visage est devenu rouge, ou des choses comme ça, pour montrer qu'il n'a pas aimé quelque chose. Donc ça c'est pour voir que c'est ça que les ulama de hadith expliquent en disant « au taqrir ». Donc c'est les paroles, les actions et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Au sifatin khuluqiyya » ou une caractéristique physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Au khuluqiyya » c'est-à-dire les caractéristiques de sa personnalité et de son caractéristique physique, il y a les deux, soit physique ou soit personnalité. Donc les deux aussi, ces deux choses-là aussi font partie de sa sunna dans le sens pour les muhaddithin. Et aussi aw siratin sawa kanat aw kana qabla al-bi'tha aw ba'daha, ou aussi tout ce qui a rapport avec son histoire, sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe que ce soit avant l'islam ou après l'islam. Peu importe que ce soit avant la prophétie ou après la prophétie. Tout ça fait partie de la sunna pour les muhaddithin. Donc on voit que la définition du mot sunna pour les muhaddithin, c'est une signification très très très large. D'accord? Maintenant, le chef par la suite, il continue, il dit « Bayna mahiya fi istilah al-usuliyyin » تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز بل إنما نص عليه من جهته صلى الله عليه وسلم كان بيانا لما في الكتاب أولا. Donc le cheikh il dit que pour les savants de usul al-fiqh, la définition de sunna, c'est tout ce qui a été rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dont il n'y a aucune référence dans le Coran. Mais c'est uniquement venu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour clarifier ce qui est dans le Coran. Donc ça c'est la définition de la sunna selon les usuliyyin, les savants de usul. Ouais. Les savants de usul. Usul al-fiqh. Et ça, il l'a tiré le cheikh du livre de Usul al-Ahkam al-Amadi. Et l'autre définition, selon les muhaddithin, il l'a pris du livre de l'imam ou du cheikh al-Qasimi dans son livre Qawa'id al-Tahdith. Qawa'id al-Tahdith. Ensuite, la définition du mot sunnah chez les fuqaha, chez les savants du fiqh. Le cheikh dit « Tutlaq al-sunna, l'istilah al-fuqaha, ala ma laysa biwajib. Fayuqalu hadha al-shay sunna, ay, laysa bifard, wala wajib, wala muharram, wala makruh. » Donc, ça c'est tiré du livre « Sharh Kawkab al-Munir ». Donc, chez les savants de fiqh, pour eux, la définition de qu'est-ce qui est sunna, c'est ce qui n'est pas obligatoire. Les savants, chez les savants de fiqh, ça veut dire quoi sunna? Ça veut dire tout ce qui n'est pas obligatoire dans l'islam. Donc, le cheikh, il donne comme exemple, il dit, si on dit cette chose est sunna, c'est-à-dire, elle n'est pas fard, elle n'est pas obligatoire, wajib, et elle n'est pas haram ou elle n'est pas makruh. Donc ça c'est les ahkam, les cinq règles de la charia. Donc ça c'est les définitions selon les différentes disciplines de l'islam. Puis le chef il dit par la suite, ولكن السنة عند كثير من السلف أوسع من ذلك. إذ يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء. إذ يعنون بالسنة موافقة الكتاب والسنة وموافقة الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء كان في الأمور الاعتقادات أو العبادات ويقابلها البدعة. Donc le cheikh il dit par contre, toutefois, la signification du mot sunna pour plusieurs parmi les salaf est beaucoup plus large que ce que les savants de ces différentes disciplines-là veulent dire par le mot sunnah, que ce soit les muhaddithin ou les usuliyin ou les fuqaha. Et les salaf, eux, ils veulent dire par le mot sunnah tout ce qui est en accord avec le Coran et la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi la sunnah de ses sahaba. Que ce soit dans les questions de croyance ou d'adoration et c'est le contraire de la bid'a. Donc, la définition de la sunna pour les salafs, c'est tout ce qui est en accord avec le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la sunna des sahaba, et ça implique aussi les choses de la croyance et des actions et des actes d'adoration, les croyances et l'adoration, et c'est en opposition ou c'est le contraire du mot bid'ah. Donc le cheikh il donne un exemple et il dit فيقال فلان على السنة إذا كانت أعماله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال فلان على البدعة إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة أو أحدهما. Donc, on dit, un tel est sur la sunna, lorsque ses actions sont en accord avec le Coran et la sunna, et on dit, un tel est sur la bid'a, lorsque ses actions sont en contradiction avec le Coran et la sunna, ou un de ces deux-là. Et le cheikh, il dit par la suite, وَيَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِنْ تَيْمِيَّةِ رَحِمَهُ اللَّهِ وَلَفْظُ السُنَّةِ فِي كَلَامِ السَّلَفِ يتناول السنة في العبادات والاعتقادات وإن كثيرا ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit le mot sunna dans la parole des salaf inclut ou implique la sunna dans les actions dans les actes d'adoration ainsi que dans la croyance, même si beaucoup de ceux qui ont écrit au sujet de la sunna par la suite parlaient uniquement des croyances, de la croyance ou de la aqida. Quand on voit par exemple le livre de certains des imams comme Usul al-Sunna, l'imam Ahmad, la sunna par son fils Abdullah, ou un autre des ulama par exemple Al-Khalal qui a écrit son livre al-Sunna lui aussi, et al-Sunna de al-Asfahani, tous ces ulama-là et beaucoup d'autres qui ont écrit des livres qu'on appelle al-Sunna, et quand on regarde à l'intérieur, ça parle uniquement de aqidah. Donc, même si certains parmi les salafs ont écrit des livres qui limitait la sunna uniquement à la aqida, mais le cheikh il dit que ça inclut aussi les actes d'adoration ainsi que les croyances. Et le cheikh il dit, يقول رحمه الله في الحموية السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. Donc il dit dans son livre الحموية que la sunna c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait dans ses dans sa croyance et dans ses paroles et ses actions et yani dans ses dans les choses qu'il ne faisait pas, c'est-à-dire dans ses qui soit Adam, je pense que c'est ça qu'il ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'il s'abstenait de faire? يقول ابن رجب رحمه الله وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف لها على خطر عظيم. Ibn Rajab il dit que la plupart des gens qui sont venus par la suite, il parlait de la sunna dans tout ce qui a rapport avec les croyances, parce que c'est les fondements de la religion. Et que celui qui diverge ou qui diffère à son sujet est dans un grand danger. Celui qui diffère au sujet de la croyance, eh bien, il est dans un grand danger. Donc, le cheikh, par la suite, pour terminer ce point, le premier point, il dit, قلت فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا لا ما اصطلح عليه علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه. قال ابن رجب أيضا السنة هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. نعم. Exactement. Donc, نعم. Donc c'est ça. Le cheikh il dit que la sunna, فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا لا ما اصطلح عليه. Donc il dit lorsque on parle de la sunna de façon indéfinie, alors lorsqu'on en parle dans le chapitre des croyances, il dit on en parle uniquement. On parle en réalité d'une sunna beaucoup plus, avec un sens beaucoup plus vaste que ce qu'on en parle dans les différents domaines de soit hadith ou usul al-fiqh ou de fiqh. C'est-à-dire, ça a une définition pour ceux qui en parlent de cette façon-là beaucoup plus large. Et Ibn Rajab il dit aussi que la sunna, c'est la voie qu'on suit qui inclut de s'accrocher à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait, ainsi que ses successeurs bien guidés par la suite, dans les croyances et les actes et les paroles. Donc ça c'est ce qui conclut ce premier point. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là maintenant, puis qu'on prendra au prochain cours le deuxième point. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? On peut faire. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on s'arrête ici? On a terminé le premier point, ou bien qu'on continue encore un peu? Ou bien si vous avez des questions, donc on pourrait en profiter maintenant. Puis il y avait un frère là, qui avait une question tout à l'heure. Donc, tu t'en souviens plus? Pas tous, mais certains qui ont été. Comment on peut avoir des liens directs avec les gens Non, non, mais on a encore les. On a. Ouais, ben on en a des livres. Il y en a des dictionnaires de ces époques-là aussi. Et les paroles des ulama de la langue arabe a été préservée par les ulama. Donc, alhamdulillah, on a toujours référence. Et il y a une chose à ne pas oublier aussi, c'est que les plus grands savants de la langue arabe sont les sahaba, les tabi'in. Donc, lorsqu'on lit dans les livres de tafsir, ou dans les livres de hadith, donc par exemple, vous ouvrez le livre de Sahih al-Bukhari, vous allez dans le chapitre de tafsir al-Qur'an, l'imam al-Bukhari, il a un chapitre sur le tafsir, et là vous voyez comment les sahaba expliquaient les différents mots dans le Qur'an. Et donc, il se basait aussi sur la langue pour comprendre le Qur'an. Aussi, les savants des époques par la suite, aussi parmi les savants de hadith, aussi étaient très forts dans la langue arabe. Et puis, là. Ok. Oui, c'est parce qu'il y a une différence entre Usul al-Fiqh et Al-Fiqh. Al-Fiqh, Usul al-Fiqh, c'est... Attends, lequel des deux je devrais expliquer en premier? Ok. Le Fiqh, je pense que si je t'explique le Fiqh en premier, tu vas comprendre mieux Usul al-Fiqh. Le Fiqh, c'est, par exemple, tu veux savoir comment prier, comment faire la prière ou comment faire le jeûne. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes dans le Coran, tu regardes le hadith, et là, tu l'appliques. D'accord? Tandis que Usul al-Fiqh, c'est plus détaillé que ça. C'est pas à ce niveau-là. C'est un niveau encore plus profond que ça. C'est-à-dire, on va dire que là, tu as un problème dans lequel il n'y a aucun hadith, il n'y a aucun verset clair, directement, qui parle directement de ce problème. Comment faire pour savoir si c'est halal ou haram ou makruh ou mubah? Là, les savants de Usul, c'est Usul al-Fiqh, les fondements du fiqh, eux, ils regardent dans les textes et là, ils vont essayer d'extraire de ces textes certaines règles en se basant sur certains principes qu'ils ont extraits du Coran et de la Sunna. Tu vois? Donc, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Ou bien aussi, c'est quoi? C'est d'être capable de déterminer, par exemple, en se basant sur certains textes, comment faire pour savoir est-ce que dans ce contexte-là, c'est halal ou haram ou autre. D'accord? Ça, c'est un autre niveau. C'est pas le niveau du fiqh et le niveau du usul, c'est deux niveaux différents. Usul al-Fiqh, ça traite, juste pour clarifier, des fondements de... C'est quoi les fondements de... Quand vous lisez un livre de Usul al-Fiqh, vous allez voir que en premier, il explique, par exemple, c'est quoi les fondements de la charia. Le premier, c'est le Coran. Le deuxième, c'est le hadith, parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, al-ijma. Quatrième, al-qiyas. Les analogies. Et donc, ils vont nous expliquer... dans chacun de ces fondements-là, c'est comment on fait pour savoir quand est-ce que quelque chose est halal ou haram ou mubah ou makruh, et comment extraire ces choses-là d'un texte. Comment savoir quand il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose ou interdit ou ordonne quelque chose, est-ce que c'est haram ou seulement makruh? Est-ce que c'est par exemple, wajib ou seulement recommandé? Est-ce que c'est obligatoire ou recommandé seulement? Tout ça, c'est rapport avec Usul al-Fiqh. Donc, c'est différent de al-Fiqh. Fiqh, c'est plus dans l'application. Wallahu a'lam. Ça va? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Usul al-Fiqh. C'est le fondement ou les bases du fiqh. Donc les savants ne sont pas forcément mentalisés. Non, pas forcément. D'après ce que j'ai compris, un faqih peut être un faqih sans être un mujtahid. C'est-à-dire, il peut être un faqih uniquement en sachant les règles, comment faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il peut faire un mujtihad de lui-même. Comprends? Il va comme par exemple, il va connaître les conditions de la prière et les règles de la prière, et puis il connaît les preuves de ces règles-là. Mais si tu lui amènes une nouvelle question qu'il ne connaît pas, si tu lui demandes le hukm. s'il est au soli, est-ce qu'il peut être au soli sans connaître le fiqh? Ouais, il peut connaître au soli le fiqh, mais même sans connaître le fiqh, mais je sais pas comment il va faire pour faire une fatwa s'il ne connaît pas le fiqh. Non, c'est ça. Donc, ouais. La plupart des savants de l'usul et fiqh sont du soli. Non, pas nécessairement non plus. Ils peuvent connaître le domaine, le sujet, la matière de l'usul et fiqh, mais ils ne peuvent pas faire des fatwas. C'est parce qu'on a des profs à l'université islamique, ils enseignent uniquement la matière de l'usul et fiqh, mais ils ne peuvent pas faire des shihad. Parce que peut-être ils ne possèdent pas tous les éléments nécessaires pour faire le shihad. Mais ils connaissent le domaine de, ils connaissent la matière ou le sujet de usul al-fiqh. Ils savent comment l'expliquer puis tout ça. Mais de là à savoir qu'est-ce qu'il faut connaître, comme savoir ce qu'il faut pour être un mujtahid et être un mujtahid, c'est deux choses différentes. C'est comme savoir ce qu'il faut être pour être un astronaute puis être un astronaute. C'est deux choses différentes. Donc je pense que c'est ça, Wallah. Parce qu'on a étudié à la faculté, on a étudié au Soul Al-Fiqh. Et puis, c'est un domaine, une matière très intéressante. Mais comme si ça prend, c'est pas compliqué, en fait, au Soul Al-Fiqh. Moi, la façon que je l'ai étudié avec le professeur, le chef qui nous enseignait, c'est pas si compliqué que ça, mais qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est difficile, c'est d'arriver à atteindre ce niveau, d'arriver à connaître ce qu'il faut connaître pour être un mujtahid. Et quelqu'un peut être un mujtahid dans un sujet et dans un autre, il n'est pas. C'est ça que, ça c'est un des chapitres ou un des points qu'on apprend quand on étudie au Usul al-Fiqh, dans le domaine de l'ijtihad, dans le chapitre de l'ijtihad, ils nous disent. Certains ulama peuvent faire un ijtihad dans un sujet ou dans un domaine, mais pas dans un autre. Donc ils peuvent être spécialisés dans une question ou dans un aspect, mais pas dans une autre. Donc ça dépend encore là, ça clarifie un peu plus la question là, de la différence entre un faqih et un mujtahid et un souli. Non, c'est pas les non-musulmans, ça vient de la distinction entre As-Sunna ou les sunnites et les gens de Bid'a ou les Shia. Ça, c'est une distinction qui est venue des musulmans, puis c'est venu par les gens de la Sunna. Premièrement, c'est ça, comme on a souvent expliqué, d'où vient cette distinction-là. C'est-à-dire le Sunna, ceux qui suivent la Sunna, qui se basent sur la Sunna. Puis Shia, au tout début, ça n'impliquait même pas une secte, d'accord? Parce qu'au tout début, lorsqu'il y a eu le meurtre de Othman ibn Affan, radiallahu anhu, je sais que j'ai un spécialiste en histoire ici, là. Je dois faire attention. Non. Mais ce que je voulais dire, c'est que, non, il est très intéressé à l'histoire, puis c'est ça, il lit beaucoup. Les jeunes, là. Il m'étonne à chaque fois. Donc qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, au tout début, il y a eu le meurtre de Othman. Et là, étant donné que c'était lui le khalifa, il y a eu un conflit entre certains des sahaba, pour savoir est-ce qu'on doit venger sa mort, pas venger sa mort, mais punir les coupables de son meurtre tout de suite, ou bien faire ça par la suite et établir le nouveau khalifa, choisir le nouveau khalifa, puis par la suite punir les responsables. Et donc, étant donné que le gérant ou le gouverneur de la Syrie à cette époque-là, c'était Muawiyah ibn Abi Sufyan, et lui, Muawiyah, il était un proche parent de Othman ibn Affan. Alors, pour Muawiyah, il en a fait une sorte de cause personnelle. Et il a voulu demander tout de suite le sang de ceux qui ont été coupables. Tandis que d'autres sahabas disaient non, il faut établir le khilafa en premier parce que c'est ça qui stabilise la umma et qui va établir les choses. Puis par la suite, une fois qu'on aura fait ça, là on va être capable de les retrouver et de les punir. Puis à cause de ça, Yanni, ça a créé cette divergence-là entre Ali et Muawiyah. Donc il y en avait parmi les sahabas qui ont dit bon, nous on supporte Ali, et d'autres ont dit nous on supporte Muawiyah. Et donc ils ont appelé les gens qui supportent Muawiyah Shi'at Muawiyah, et ceux qui supportaient Ali, Shi'at Ali. Mais Shi'a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire partisan. Okay? Donc au tout début, ce n'était pas du tout une divergence sur le plan de la croyance. C'est pas une secte. C'est juste un conflit sur une position politique ou position de jihad que certains des sahaba avaient fait. D'accord? Puis, par la suite, ça s'est développé et il y a eu des gens de Bid'a comme Abdullah ibn Sabah, le juif du Yémen, qui s'était fait passer pour un musulman, puis qui a commencé à répandre toute son idée fausse au sujet de Ali ibn Abi Talib et de commencer à dire que, par exemple, il était Dieu, ou il était il était le successeur, pas le successeur, mais comme si, qu'est-ce qu'il a dit en premier, il a dit que chaque prophète a un conseiller ou quelqu'un qui le suit, proche, un vizir, ouais, c'est ça. Et il disait que comme Moussa avait Haroun, et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait Ali, c'était lui son vizir, et que il disait ça, puis après par la suite il commençait à dire que Ali avait il commençait à essayer de l'élever son statut comme Paul a fait au sujet de Jésus, hein. Oui, Paul qui a essayé de d'égarer les chrétiens en élevant Jésus au niveau d'un être divin. Donc il essayait de suivre la même chose il s'appelait Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah, lui-même. Donc, à partir de ce moment-là, bon, il n'y avait pas encore une grande. Yani Ali, à un moment donné, même, ils ont dit de Ali qu'il était Dieu. Il était Dieu. Et lorsqu'il a commencé à dire ça, Ali les a fait punir en les brûlant, en les faisant brûler dans une fosse. Il a fait creuser une fosse avec du feu, puis il les a mis dedans, puis il a mis le feu. Puis il les a fait brûler. Ils فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. Lorsqu'il a vu que l'affaire était vraiment grave, il a creusé un trou puis il a appelé son servant pour lui dire de mettre le feu dedans. Puis il les a brûlés dans une fosse. C'est ce que j'ai lu. Puis par la suite, il y a eu le meurtre de la mort de Hussein à Karbala. Donc c'est là que c'est à partir de ce moment-là que là il y a commencé vraiment à avoir une division en ce qui concerne les croyances et tout ça là, à cause d'Abdullah ibn Sabah et des idées qu'il avait répandues là parmi les gens. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a entendu parler de Shia dans un autre contexte, non pas dans une division sur une position entre les Sahaba, mais sur une question des croyances. C'est une question des croyances. Hussein, c'était le fils d'Ali. Donc, quand ils ont coupé sa tête et tout, là, donc, il y a eu l'assassinat vraiment. Puis, c'est pour ça que ceux qui se disent Shia aujourd'hui, Rafida, on parle du Rafida, parce que les Shia sont différentes sectes. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on parle de Shia. Que quand on dit le mot Shia, ça inclut un grand nombre de différentes sectes qui ont certaines caractéristiques. Comme caractéristique principale, c'est qu'ils passent Ali devant les autres sahaba, ok, devant Abu Bakr et Omar et Othman, et ils disent que c'était lui le meilleur, c'est lui qui devait être le khalifa après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est leur caractéristique principale. Parmi les sectes des chiites, la moins éloignée de la sunna, c'est la secte des, qu'on appelle Zaydiya. Eux, ils placent Ali devant les autres. Sauf que, ils n'ont pas les idées extrêmes ou les positions extrêmes des autres sectes chiites. Comme s'ils vont pas insulter les sahaba, les autres sahaba, puis ils vont pas, avoir les positions extrêmes des autres. Mais, par contre, ils ont quand même des bases d'égarement, ils sont quand même des gens de Bid'a et tout. Et Cheikh Mukbil, qui vivait au Yémen, parce que c'est là que Zaydi, elles sont plus souvent au Yémen. Donc, même Cheikh Mukbil, il disait dans les cassettes, tu prends un Zaydi, un tout petit Zaydi, et puis tu en fais de lui, tu le vois, puis il peut devenir un extrémiste facilement, parce qu'ils sont très proches des chiites. Les autres chiites, donc ils peuvent tomber facilement. Mais la secte majoritaire parmi les chiites, c'est les Rafidah. Les Rafidah. Et on les appelle Rafidah, c'est-à-dire ceux qui ont refusé. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'ils ont refusé Zayn al-Abidin, le fils d'Ali, comme étant un de leurs imams. Parce que Zayn al-Abidin, Zayd, Zayd ibn Zayn al-Abidin, barakallahu fik, parce qu'il refusait d'insulter les Sahaba. À cause de ça, ils ont refusé qu'il soit un de leurs imams, et c'est ça qu'on les a appelés Ar-Rafida. Mais aussi, parmi leurs noms, il y a Al-Isna Ashri, c'est-à-dire les 12, parce qu'ils suivent 12 descendants. Je crois en 12 descendants, dont le 12e est caché depuis 1200 ans dans une grotte, et il attend qu'il revienne, et qu'il sorte de cette grotte. Il l'appelle Al-Mahdi. Il dit que c'est lui qui doit revenir. On va en parler dimanche, Inch'Allah, parce que le premier des signes du jugement dernier, c'est, dont on va parler, c'est Al-Mahdi. Donc on va parler de ce sujet-là, Inch'Allah. Oui, mais le Mahdi, ça c'est correct, il y a un Mahdi. Il y a un Mahdi dans l'islam, on y croit qu'à la fin des temps, il va y avoir un homme qui va venir, qui va être bien guidé, qui va établir la justice sur la terre, hein, qui va s'appeler Mohammed ibn Abdullah et tout ça. Ça c'est, il va être un des descendants du prophète et tout ça, ça c'est clair. Le problème c'est pas ça, le problème c'est de dire, comme eux les chiites par exemple, ils disent que le Mahdi qui nous attend, c'est un enfant qui est né vers les années 200, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est entré en salle d'occultation, c'est-à-dire il est devenu invisible, il s'est caché dans une grotte, et que qu'ils attendent, et jusqu'à aujourd'hui, ils attendent qu'ils sortent de cette grotte pour venir juger le monde. Donc, non, c'est ça. Donc, c'est une histoire qu'ils ont racontée qui n'a aucune preuve, aucune référence, il y en a dans le Coran et la Sunna. Et c'est une fable, il y en a qu'ils ont inventée qui n'a aucune réalité. Ils disent que lorsqu'il va sortir, il va aller à la Mecque, il va aller à Médine, il va enlever le cadavre de Abu Bakr et Omar, qui sont enterrés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les accrocher sur un arbre, et puis il va commencer à les châtier, et quand il va les faire revivre, il va les châtier, et quand ils vont mourir, jusqu'à ce qu'ils meurent, et à chaque fois qu'ils meurent, il va les faire revivre, pour continuer à les châtier, donc c'est des gens là pour te dire. Ouais, mais c'est comme on va parler de ça aussi la prochaine fois, mais c'est que le mot sunna, comme on a dit souvent, c'est que d'après moi, ce que j'ai observé parmi les musulmans aujourd'hui, avec l'Islam, c'est que quand ils utilisent le mot sunna, c'est souvent dans le contexte des fuqaha, dans le sens de dire qu'est-ce qui est pas obligatoire, c'est sunna. Donc quand tu dis à quelqu'un par exemple, il y a Akhi, ça c'est la sunna, faut que tu suives la sunna, lui il s'imagine que tu veux dire faire qu'est-ce qui n'est pas obligatoire ou faire quelque chose de supplémentaire dans l'islam, c'est-à-dire faire des efforts pour par exemple utiliser le miswak ou bien par exemple faire manger avec les mains ou bien porter un certain vêtement, une turban ou des choses comme ça. Et pour eux, ça c'est comme pas obligatoire, mais supplémentaire. Et il y en a même parmi ces gens-là qui croient que la barbe fait partie de ça. Donc pour eux, même la barbe c'est pas obligatoire, c'est juste quelque chose recommandé, sunna, pas obligatoire. Donc c'est que dans leur tête, il y a cette conception-là qui est mélangée, ils se mélangent entre les différentes définitions du mot sunna. D'accord? Et donc c'est pour ça que le chef, d'après moi, il a commencé par expliquer ça, pour que ça soit clair qu'est-ce qu'il veut dire lui quand il dit le mot sunna, quand on dit qu'on est ahl sunna wal jama'a, et quand on suit la kitab wal sunna, ça ne veut pas juste dire yani, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, ça veut dire tout qu'est-ce qui est dans la religion, et qui de s'accrocher à qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait même et les sahaba, et que ce soit dans les actions, les paroles et les croyances. Ça, ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Exactement. Donc, même au tout début, moi-même, j'avais compris ça. Et puis, c'est uniquement quand j'étais parti dans une convention de Qur'an et Sunna à Chicago, en 1993, si je ne me trompe pas, c'est là que j'avais entendu pour la première fois qu'il y avait ces différentes définitions-là du mot Sunna dans, selon les disciplines. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai compris réellement que c'est pour ça qu'on ne s'entendait pas. Parfois, on discute avec des musulmans, on parle, on dit, mais ça c'est sunna. Et donc, il y en a qui ne comprennent pas qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que ça signifie, sunna. Alors, dire la religion et tout, ouais. Ouais, c'est ça. Alors que ça n'a rien à voir, la sunna, suivre la sunna est fard aussi. Hein, c'est wajib aussi, c'est obligatoire de la suivre. Pas uniquement, qu'est-ce qui est fard, bien. Ou pas uniquement, pardon, pas uniquement qu'est-ce qui est, comme eux ils disent que la sunna c'est qu'est-ce qui est pas obligatoire, donc c'est pas uniquement. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est ça, alhamdoulilah. Donc on peut clore la session, Inch'Allah. Ah oui, c'est une question. Allah dit dans le Coran, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin. Donc à chaque prophète, il a mis un ennemi parmi les criminels. Donc ça c'est vrai. Puis même quand on regarde l'exemple de Paul, Saoul, son nom c'était Shaoul, Shaoul ou quelque chose comme ça, il a changé son nom. C'était un juif qui a étudié avec les rabbins, qui avait la nationalité romaine et qui avait étudié la loi romaine. Donc il avait les deux doubles nationalités, juive et romaine. Il travaillait pour les romains à faire torturer les gens qui ont cru en Jésus parmi les juifs. Il n'y avait pas de chrétiens, il ne s'appelait pas chrétien à cette époque-là. Mais le mot chrétien s'est mis par la suite. Exactement, c'est ça. Donc tu vois, c'est incroyable. Et puis donc, quand on regarde Abdullah ibn Sabah, c'est presque la même chose. C'est un juif qui vient du Yémen, il se fait passer pour un musulman, comment ça, pour qu'il soit du défaut. Donc, c'est pas bien que Paul, et a étudié la Torah avec un des plus grands rabbins de son époque. Il connaissait la philosophie, connaissait toutes sortes d'autres idéologies. Donc, quand ils allaient parler avec les apôtres, il leur a dit toutes sortes d'affaires. Il y en a parmi eux qui ont été troublés. Il y en a qui étaient contre lui, il y en a qui étaient avec lui, qui ont accepté ses idées. Je ne sais pas. Et moi, les noms, même les noms là qu'on voit, Paul, Pierre et pas Pierre, Pierre, Bernabas. Bon, oui, c'est ça. Tout ça, on ne peut pas savoir même. Barnabas, oui. Beaucoup de gens à une école ensemble, non, il était à Occita. Il y avait une partie des juifs qui était dans le désert. Il était exclu des autres juifs parce qu'il ne voulait pas vivre comme les juifs. Oui, oui, c'est ça. Les juifs-là, les autres, c'est là qu'ils ont acquis. Oui. Et là, voilà, Paul, puis Barnabas, ils étaient le même rabbin qui les enseignait. Ok. Les compagnons, les apôtres, ils ne croyaient pas. Paul, dans sa conversion. Ok. Dans sa conversion, ça dit. Dans sa ligne de toi. Ce qui arrive, c'est que tu utilises Barnabas pour pouvoir rentrer, pour avoir la confiance des autres. Quand il est fini avec Barnabas, c'est parce qu'il est parti. Ouais. Tu entends parler de Barnabas deux fois, trois fois, peut-être. Ça, c'est fini. C'est un big player là-dedans, Barnabas. Ouais. Parce que comme tu disais, je pense que les gens qui étaient dans le désert là, je pense que c'était pas ceux qui avaient suivi Jean-Paul, Paul, Yahya, oui. C'était Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est intéressant tout ça. Et puis ça nous montre que, de s'accrocher à l'exemple des prophètes, et c'est de suivre la vérité, puis toujours il y a des gens qui vont venir, parce que les juifs sont un peuple qui croit qu'ils ont été élus et qui sont particuliers. Donc, pour eux, le sort des autres peuples n'a aucune importance. C'est-à-dire, ils vont voir des peuples en train de se prosterner à des idoles, ils vont pas leur dire ce que vous faites est interdit ou c'est pas bon, parce que ils croient que leur prophète est uniquement venu pour eux, et étant donné que c'était le cas, en fait, oui, c'était uniquement venu pour les Juifs, et Jésus aussi, donc ils se disent, nous on n'a aucune responsabilité envers les autres. Hein, et le problème de ces gens-là en plus, c'est que ils se limitent pas juste à dire ça, mais en plus ils se disent, même qu'ils utilisent la connaissance qu'ils ont de la religion pour égarer les autres peuples. Il faut les utiliser par la suite. Donc, c'est ça le danger. Et c'est pour ça que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam, il leur a dit, ça y est, maintenant, je suis venu pour vous amener la religion finale. Maintenant, vous allez être égal avec tous les autres peuples. Parce que le message de l'islam est universel pour tous les hommes et toutes les nations. Donc, vous n'allez plus avoir de privilèges particuliers par rapport aux autres peuples. Et là, vous avez le devoir, si vous acceptez l'islam, d'interdire le mal et d'en donner le bien et d'appeler tous les gens à l'unicité d'Allah et d'interdire le mal. Donc, ça leur plaisait pas, tu vois. Parce qu'ils avaient ce statut qu'ils voulaient toujours garder et c'est une forme d'arrogance qu'ils avaient. Ils ont refusé d'accepter le message juste parce que ça venait pas d'un des leurs. Ça va nous préserver. Les juifs dans la Bible qu'ils ont actuellement là, c'est ce qu'on dit, ils disent par exemple, si tu prêtes à ton frère, prête-lui sans intérêt. Mais si tu prêtes à un autre qui est pas juif, alors tu peux le prêter avec intérêt. Hein? Donc on voit que ça, ça fait partie des principes qu'ils ont yani, joué avec dans la Bible, hein? Parmi les rabbins. Non, c'est comme ça. Ils ont des règles là, comme tu parles pas de ta, ils révèlent pas leur religion. Pour eux, la religion c'est une affaire secrète, presque. Ouais, c'est comme presque secret là pour eux. Il y a des musulmans aujourd'hui là qui sont égarés et qui appellent à cette chose là. Hein? Ils faisaient des petits pôles là parmi les musulmans. Le mufti de Syrie, c'est un grand soufi et il est décédé là depuis pas grand temps, mais c'est à ça qu'il parlait, la paix universelle, l'unité universelle entre les religions. Il y a Qardawi aussi qui répondait souvent à l'appel des chrétiens, le pape et les autres, et tous ces groupes de soufis là qui répondent. Il est vivant, oui, malheureusement, non. Que Allah le guide, hein. Okay. Pourquoi il serait... Ah, tu veux dire pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi? Non, ben ça c'est clair maintenant. Maintenant, il n'y a plus un salafi sur la terre qui va avoir un doute sur Youssouf al-Qardawi que c'est un égaré. Ça là c'est clair. Ceux qui l'écoutent là, c'est des gens qui sont pas salafis, qui ont pas encore compris la réalité de qu'est-ce que c'est suivre la sunna. C'est ces gens-là qui vont l'écouter, qui le prennent important, hein, qui lui donnent une importance. Hein, même si ça. Non. Ouais, ben c'est ça qui se passe. C'est qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses dans l'islam. Puis, étant donné qu'ils connaissent pas le manhaj des salaf, donc ils regardent uniquement leur bon côté et ils oublient les problèmes qu'ils ont dans leur aqidah ou dans leur manhaj. Donc, il y a des certains points sur lesquels, si un savant a des erreurs, on peut passer par-dessus ces erreurs si on regarde le bien qu'il a. Mais quand c'est un problème qu'il contredit un des fondements des principes de Al-Sunnah al-Jama'a et des Salaf, et qu'il va contre ça, là c'est autre chose. Là il devient un Mubtadi', il sort de la Sunnah, il quitte la Sunnah. Et là, à son sujet, on doit uniquement mentionner son erreur et ses dangers dans le but de prévenir les musulmans pour pas qu'ils tombent dans l'égarement à cause de lui. Vous comprenez? Donc c'est ça, on va en parler de ça parce que ça fait partie des sujets de ce livre, mais c'est ça que beaucoup de musulmans n'ont pas compris. Et la ligne entre le mubtadi' et le musulman ou le savant qui fait une erreur. Un alim peut faire une erreur, il peut donner une fatwa qui est contraire au Coran et à la Sunna, puis on ne va pas dire de lui qu'il est un égaré ou un mubtadi'. Sauf que si on voit qu'il suit une méthodologie qui est clairement en dehors des principes de Ahl al-Sunnah al-Jama'a, puis qu'il persiste à faire ça, hein, qu'il persiste à suivre cette voie, puis qu'on lui a fait savoir, on lui a donné cette nafiha, puis qu'il a persisté encore une fois à le faire à chaque fois, et qu'il refuse obstinément de revenir à la Sunna, donc cette personne-là, clairement, on va voir que c'est une personne déviée, égarée, et qui appelle les gens à l'égarement. Hein? Et donc, pour cette personne, au sujet de cette personne, on ne regarde plus le bien qu'il dit ou qu'il a fait, mais on regarde uniquement les erreurs qu'il a fait. Et c'est ça qui ont confondu beaucoup de personnes. Quand on regarde, par exemple, dans le Coran, quand Allah parle des mouchriquins, il n'a jamais mentionné les bons côtés des mouchriquins. Est-ce que, par exemple, comme par exemple, il y a des choses qui ont expliqué, par exemple, Abu Lahab, ou Abu Lahab, Allah, il a révélé une sourate dans le Coran à propos d'Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jusqu'à la fin. Est-ce que vous pensez que Abu Lahab n'avait aucune bonne qualité du tout, n'avait pas de bonne qualité du tout? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'avait pas certaines qualités de générosité pour ses invités, il n'avait pas les caractéristiques des Arabes à cette époque-là qui aimaient l'hospitalité, qui aimaient nourrir ses invités, qui aimaient le courage et toutes ces choses-là, hein? Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas mentionné ses bonnes qualités? Parce que le fait de mentionner ses bonnes qualités, ça va en contradiction avec le but de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut faire comprendre aux êtres humains. C'est-à-dire que le shirk, ça détruit toute bonne action qu'une personne peut faire. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tout ce qu'il a acquéri de bien et tout ce qu'il a fait, ça ne lui donne rien. Ça ne lui donne rien. Donc, pourquoi? Parce qu'il est un mouchlik. Parce que là, le shirk est le shirk. Quand quelqu'un le possède, il a perdu toutes ses bonnes actions. Quand Allah parle de beaucoup parmi les gens de kufr, ils ne mentionnent pas le bien qu'ils ont fait, juste le mal, juste leurs erreurs. Et ça, c'est dans le but de prévenir les gens contre leurs erreurs et tout ça. Donc, les savants de Al-Sunna al-Jama'a, ils ont fait la même chose. Quand ils ont prévenu les gens contre Al-Jahm ibn Safwan, c'est sûr que Jahm ibn Safwan, peut-être qu'il était gentil avec, il était bon envers sa femme. Non, mais il était kafir. La main, ils ont dit que c'était un kafir. Mais comme Jahm ibn Safwan, est-ce qu'il y aurait un sens pour que les ulama disent qu'il était bon envers sa femme, il était un bon mari, il était un bon, professeur ou je sais pas quoi, il était gentil avec les gens, il nourrissait les pauvres, hein? Si tu commences à le glorifier comme ça, est-ce que ça va donner un sens au fait que c'est un égaré qui nie les attributs d'Allah et donc c'est ça. Il y a des musulmans qui prennent pas ça en considération. Ils regardent uniquement le fait que, et ça c'est une méthodologie des gens de souris à Sunna et ailleurs, ceux qui disent quand tu parles de quelqu'un, faut toujours garder son bon côté et son mauvais côté, et puis il faut pas le critiquer de façon absolue, hein, pour nier tout ce qu'il a fait de bien. Et donc cette méthodologie là qu'ils ont innovée, c'est contraire au Coran et à la Sunna, parce que le but de parler de démasquer ou de montrer les erreurs des gens de bid'a, c'est de prévenir la Ummah pour qu'ils ne tombent pas dans l'égarement. Mais eux, ils disent il faut parler de tout le bien que la personne a fait, pas seulement du mal. Donc quand je les ai opposés sur leur position, je leur ai dit que j'allais écrire ou poser la question à un cheikh au sujet de qu'est-ce qui se passe dans cette mosquée, et puis de montrer leurs erreurs. Ils m'ont dit oui, mais oublie pas, tu dois mentionner au cheikh que nous on a fait les durus sharh al-aqida al-tahawiyya, on a expliqué le kitab al-tawhid, et on a expliqué tel livre, et on a fait le charh de tel livre, et on fait tel durus et tel durus. Donc c'est comme s'il voulait dire regarde, on fait du bien, on enseigne l'aqida salafia et tout ça, donc mentionne tout ça au chef. Et là je leur ai dit ouais, je vais leur mentionner ça, mais en même temps aussi je vais tout leur mentionner les autres points que vous ne voulez pas qu'ils savent. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une obligation pour moi de mentionner le bien qu'ils font. Parce que le danger, c'est dans le mal qu'ils font. Et c'est comme Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen et les autres ont expliqué, Al-Fawzan, ils ont dit, le danger, c'est le bien qu'ils font, tout le monde le sait. Tout le monde connaît le bien qu'ils font. Et donc, ce n'est pas ça le problème, on n'a pas à le mentionner. Le problème, c'est de mentionner le danger, le mal qu'ils font, dans le but que les gens puissent l'éviter. Et ça, c'est le principe qu'ils ont inventé, qu'ils appellent al-muwazana, c'est-à-dire de peser le pour et le contre, le bien et le mal et tout. Et ça, c'est une bid'a, yani. Et tous les savants ont réfuté cette bid'a. Cheikh al-Albani, il a parlé contre ça. Cheikh al-Ibn Baz, il a parlé contre ça. Cheikh al-Fawzan, il a parlé contre ça. Abdul Muhsin al-Abbad, il a parlé contre ça. Cheikh Rabbi, il a écrit un livre même là-dessus. Hein? Et beaucoup d'autres parmi nous.